attirer l'attention sur un point important. Et ceci concerne l'importance de l'apprentissage de la science religieuse. L'importance de l'apprentissage de la science religieuse. Sachez qu'elle fait partie des meilleures œuvres par lesquelles se rapproche le serviteur de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Pourquoi la science religieuse, le fait d'étudier la religion, fait partie des meilleures œuvres? Premièrement, car le fait d'étudier la science religieuse prime sur la parole et l'action. Et ceci parce que les paroles de l'individu et ses actes, c'est-à-dire ses actes d'adoration, tout ceci n'est valide que lorsqu'ils proviennent de la science religieuse. Ici donc, cela montre, ou ceci est une preuve du rang important qu'occupe la science religieuse et qu'il n'est pas permis à celui qui adore Allah de commencer l'acte d'adoration, si ce n'est après avoir étudié, après la science. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. D'après عائشة رضي الله عنها, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec notre religion, celle-ci sera rejetée. Cette action sera rejetée. Ainsi, on comprend à travers ce hadith que l'action, pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azzawajal, il faut qu'elle soit en conformité à la religion. Il faut qu'elle soit conforme à la religion. Le musulman se doit donc d'apprendre la religion, d'apprendre la science religieuse avant de la mettre en pratique, au risque de voir son action rejetée. Et parmi les mérites de l'apprentissage de la science religieuse, il y a le fait qu'Allah Azzawajal facilite un chemin vers le paradis à celui qui emprunte cette voie. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui emprunte un chemin vers la recherche de la science, c'est-à-dire la science religieuse, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. On va éclaircir ici brièvement ce hadith. Le mot science dans le hadith signifie la science religieuse. Et la phrase celui qui emprunte un chemin vers la recherche de la science, cette phrase est générale. Elle englobe plusieurs choses, dont le voyage pour l'étude de la science religieuse, ainsi que les assises auprès des savants, l'écoute de cours religieux, l'achat de livres bénéfiques qui nous apprennent et nous font comprendre les textes du Coran et de la Sunna, les étudier avec les savants ou les étudiants. Tout ceci fait partie de suivre un chemin à la recherche et l'étude de la science religieuse. Ainsi, Allah Azza wa Jal lui facilitera un chemin vers le paradis. Parce que c'est la science religieuse qui explique la voie qui mène au paradis. Il n'est pas possible de suivre un chemin qui mène au paradis si ce n'est par l'apprentissage de la science religieuse, d'où son importance. Car c'est par celle-ci, c'est par le fait d'étudier la religion, que vous pourrez connaître ce qui est légiféré de ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que beaucoup de gens, malheureusement, tombent dans les innovations religieuses par ignorance du fait qu'ils n'apprennent pas leur religion. Donc, ils ne peuvent pas différencier ce qui est légiféré de ce qui ne l'est pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion, lui enseigne la bonne compréhension de la religion. Ainsi, les signes prouvant qu'Allah Azzawajal te veut du bien sont qu'il te guide et te dirige vers l'apprentissage et la compréhension de la religion. Et également, ce qu'on comprend du hadith, c'est que celui qui n'étudie pas la religion, Allah Azzawajal n'a pas voulu pour lui le bien. Allah n'a pas voulu pour lui le bien. Cela, mes frères et sœurs, nous incite à apprendre et étudier la religion, pour que l'on soit, inshallah ta'ala, parmi ceux à qui Allah veut du bien. Qu'Allah Azzawajal nous compte parmi ceux-là. On peut aussi ajouter, parmi les mérites de l'apprentissage de la science religieuse, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette science, la religion, la science de la religion, comme étant son héritage. Et il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Innal ulama'a warathatul anbiya'. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Innama warrathul ilm. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Certes, les prophètes n'ont laissé comme héritage ni dinar et ni dirham, c'est-à-dire ils n'ont pas laissé d'argent. Ils n'ont certes laissé comme héritage que la science religieuse. Quiconque l'apprend aura certes pris ou reçu une part immense. Ce hadith, mes frères et sœurs, est clair concernant l'importance de la science religieuse. C'est l'héritage que nous a laissé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc rien parmi tout ce qu'on peut trouver dans ce bas monde, dans cette vie d'ici-bas, qui égale la science religieuse. Alhamdulillah. Et parmi les mérites de la science religieuse également, il y a le fait qu'Allah Azzawajal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer afin de l'augmenter en science. Comme il a dit dans le Coran, Wa qur rabbi zidni ilma. Le sens rapproché du verset dit: Ô mon Seigneur, ajoute-moi en science. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah azzawajal ordonne à son prophète de l'invoquer en disant: Ô mon Seigneur, ajoute-moi en science. Par la suite, Allah a répondu à l'invocation du prophète et lui a donné de la science comme il n'a pas donné à autre que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas meilleur comme subsistance pour le cœur que la science religieuse, que le fait d'apprendre la religion. Et la personne à qui Allah Azzawajal a accordé la science, Allah lui a certes accordé ce qu'il y a de plus immense que tout ce que qu'on peut trouver dans cette vie d'ici-bas. Ainsi, mes frères et sœurs, tout ce que nous avons cité précédemment, comme versets et paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit nous pousser et nous inciter à apprendre et à étudier la science religieuse et à faire des efforts dans celle-ci. Il faut que nous donnions du temps pour son apprentissage, pour apprendre la religion. Alhamdulillah, à notre époque, les chemins vers la science, vers l'apprentissage de la science, sont nombreux et accessibles à tous. Walillah alhamd. Et pour conclure cette petite introduction concernant le fait d'apprendre la religion, on peut se poser quelques questions en résumé. Que doit faire celui qui veut que ses actes d'adoration soient acceptés auprès d'Allah? Que doit faire celui qui veut obtenir l'héritage de notre prophète? Et que doit faire celui qui veut qu'Allah Azzawajal lui facilite l'entrée au paradis? Que doit-il faire? Comme on l'a dit précédemment, celui qui veut obtenir tous ses bienfaits se doit d'apprendre la science religieuse, d'étudier la religion. Qu'Allah Azzawajal nous facilite l'étude et l'apprentissage de la science religieuse ainsi que sa mise en pratique, ainsi que sa mise en pratique. Et la science que nous allons aborder pendant ce séminaire, inshallah ta'ala, est la science la plus importante de notre religion. Nous allons traiter, inshallah, d'un sujet qui concerne tout musulman et musulmane. Et ce sujet de la croyance n'est autre que celui du tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Unifier Allah par nos actes d'adoration. Ou vouer nos actes d'adoration à Allah seul, sans rien lui associer dans celle-ci. Et ceci est le tawhid, le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi, attester qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah seul, sans rien lui associer. C'est ce qu'on appelle unifier Allah par nos actes d'adoration, le tawhid. Et ceci est le fondement de ce qui corrige tous les actes d'adoration. Ce premier pilier, le pilier La ilaha illallah. L'attestation de foi, j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah, ceci est le fondement de ce qui corrige tous les actes d'adoration. Car tout acte d'adoration qui n'est pas fondé sur une croyance saine, qui n'est pas fondé sur le tawhid, alors cet acte sera rejeté, quel que soit son auteur. Et quand bien même celui-ci se sera épuisé dans l'accomplissement de cet acte et y aura consacré toute sa vie, elle sera, ou cet acte sera rejeté. Ainsi, cette science-là, la science du tawhid, la science du premier pilier de l'islam, la science de la ilaha illallah, est sans aucun doute la science fondamentale qui mérite toute l'attention du point de vue de son apprentissage, de son enseignement et de sa pratique. Et cela afin que les actions soient conformes et acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. et qu'elle soit de grande utilité pour ceux qui la mettent en pratique. Ainsi, toute la communauté est unanime sur le fait que le tawhid, que la parole de la ilaha illallah, est la base de l'islam. Est la base de l'islam et son fondement. La communauté est également unanime sur le fait que l'attestation de foi, c'est-à-dire que la parole la ilaha illallah, soit le premier ordre qu'Allah Azzawajal nous a ordonné. Et ceci est aussi le but ultime de notre vie, dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire mettre en pratique cette parole immense. C'est par cette parole, La ilaha illallah, que nous différencions les croyants des mécréants. Et c'est par cette parole que la différence sera faite entre les bienheureux habitants du paradis et les malheureux habitants de l'enfer. Qu'Allah Azzawajal nous préserve du feu de l'enfer et qu'il nous ouvre les portes du paradis. Et la preuve concernant le fait que la mise en pratique du tawhid, c'est-à-dire vouer toutes nos adorations exclusivement à Allah seul, la preuve que ceci est le but ultime de notre vie ici-bas, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. La traduction du sens de la parole, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Le sens général de la parole d'Allah Azzawajal ici, c'est qu'Allah, le Très-Haut, nous a informé qu'il a créé les hommes, c'est-à-dire les gens, hommes et femmes, et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Ainsi, le verset ici clarifie la sagesse et le but pour laquelle Allah Azzawajal nous a créés. Pour laquelle Allah nous a créés. C'est donc une obligation pour nous, ainsi que pour les djinns, de concrétiser le tawhid, de vouer toutes nos adorations à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer dans celle-ci. Et pour terminer notre introduction, comment étudier le tawhid? Ou plutôt, quelles sont les sources et les références à partir desquelles nous devons puiser pour apprendre cette science, la science du tawhid, la croyance au tawhid. La croyance au tawhid est limitée à ce qui est venu dans le Coran, dans les versets coraniques, et dans la sunna, c'est-à-dire les paroles, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était la méthode des compagnons du prophète, des pieux prédécesseurs, dans l'étude de cette science, la croyance, le tawhid. Et c'était donc restreint et limité, comme on a dit précédemment, au Coran et à la Sunna. Les pieux prédécesseurs ont cru et ont mis en pratique tout ce qu'a indiqué le Coran et la Sunna dans le droit d'Allah Azzawajal, et ils ont délaissé et refusé tout ce qui n'y était pas mentionné. Et nous allons voir également que le cheikh, dont nous allons étudier le livre, et l'épître a utilisé cette méthode, car c'est cette dernière qui est la vérité, qui est la bonne méthode. puiser dans le Coran et la Sunna pour affirmer et étudier le dogme ou la croyance de manière générale. Et comme annoncé sur l'affiche de ce séminaire, nous allons étudier ensemble un épître, un livre intitulé Les conditions de la ilaha illallah. En français, les conditions de il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah seul. L'auteur du livre que nous allons étudier est le grand savant, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Mohammed. C'est donc le petit-fils de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est très connu comme étant le revivificateur du prêche au tawhid à son époque. Ainsi, l'auteur du livre, c'est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il est né dans une région appelée Ad-Dar'iyah, qui est située actuellement au nord de la ville de Riyad, en Arabie Saoudite, et ceci en l'an 1193 de l'Hégire. Après la mort de son père, après la mort du père de Cheikh Hassan ibn Mohammed, l'auteur du livre, il a été pris en charge par son grand-père, l'imam dont nous avons cité le nom précédemment, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et son grand-père était également son professeur et son savant, chez qui il a pris plusieurs sciences, dont la science du tawhid et de la jurisprudence. Et en ce qui concerne son comportement et son caractère, il était connu, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour sa sincérité et sa motivation dans le prêche, dans l'appel à la religion d'Allah Azzawajal. Il était également connu comme étant généreux, sage, modeste, tendre, comme étant un conseiller et une personne pudique. Et était également jaloux en ce qui concerne les interdits d'Allah Azzawajal. Et n'avait peur de personne en ce qui concerne Allah. Il était aussi réputé pour être un obstacle pour les innovateurs dans la religion, et un défenseur contre les innovations religieuses, qu'Allah nous en préserve. Et il a eu une longue vie jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal prenne son âme en l'an 1285 de l'Hégire dans la ville de Riyad. Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et parmi les ouvrages que ce cheikh Abdurrahman ibn Hassan, a écrit, il y a cet épître, ce livre. Le titre, Les conditions de la ilaha illallah, les conditions de il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah seul. Il est obligatoire que tout musulman et musulmane sache que la shahada, c'est-à-dire il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah, cette attestation n'est pas acceptée par le simple fait de la prononcer, mais qu'il faut également mettre en pratique ce qu'elle implique comme droit et obligation, ainsi que mettre en pratique ces conditions qui sont rapportées dans le Coran et la Sunna du prophète, les hadiths, les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car tout musulman sait que les adorations ne peuvent être acceptées auprès d'Allah Azzawajal que si on remplit leurs conditions, les conditions de ces actes d'adoration. À l'exemple de la prière, elle ne sera pas acceptée que si ces conditions soient remplies. À l'exemple du pèlerinage aussi, il ne sera pas accepté qu'avec ces conditions, qu'en mettant en pratique ces conditions. Et ceci, de même pour l'ensemble des actes d'adoration. Elles ne sont pas acceptées que si leurs conditions soient mises en pratique. Ainsi, il en est de même pour l'attestation de foi. Pour il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah. Cette attestation n'est pas acceptée du serviteur que si ses conditions soient remplies, que si ces conditions soient mises en pratique. Et ces conditions, comme on l'a dit précédemment, elles sont rapportées dans le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc pour cela qu'il est très important d'étudier et d'apprendre les conditions de l'attestation, les conditions de la ilaha illallah, donc le livre que nous allons étudier, insha'Allah ta'ala. Le shaykh, rahimahullah, a cité dans son livre sept conditions. Les sept conditions de la ilaha illallah, les sept conditions de il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah. Il faut savoir qu'il n'est pas le premier à les avoir citées, mais qu'au contraire, ces conditions sont connues chez les gens de science. Car les savants ont extrait, comme on l'a dit précédemment, du Coran et de la Sunna, ces sept conditions. Ce qui clarifie que la ilaha illallah, que l'attestation de foi, n'est pas acceptée jusqu'à ce que le serviteur concrétise ces sept conditions, qui sont en résumé, et on rentrera dans le détail dans le livre, la première condition, c'est la connaissance de son sens, la connaissance de la signification de la ilaha illallah en termes d'affirmation, c'est-à-dire affirmer l'adoration à Allah seul, et de négation. C'est le fait de rejeter toute forme d'adoration à autre qu'Allah Azzawajal. La seconde condition, c'est la certitude, qui s'oppose au doute et à l'incertitude. Ainsi, celui qui prononce la ilaha illallah, l'attestation de foi, doit avoir la certitude ferme que c'est Allah Azzawajal seul qui mérite l'adoration. Et que toute chose, toute divinité adorée en dehors d'Allah Azzawajal est faux. La certitude, sans que ceci soit entaché de doute ou d'incertitude. Donc, on peut dire que la certitude, C'est la science complète et parfaite de l'attestation de la ilaha illallah. La troisième condition, c'est la sincérité, qui s'oppose au polythéisme, ou on peut dire à l'association, et cela s'oppose aussi à l'ostentation. Et ceci se fait, si on peut dire ça comme ça, en filtrant nos actes d'adoration. Il est nettoyé de toute impureté apparente et cachée. Il est nettoyé de toute ostentation ou de toute association. Donc c'est le troisième, la sincérité. En vouant l'intention exclusivement à Allah seul, pour toutes les adorations. Pour toutes les adorations. La quatrième condition, c'est la véracité. La véracité, être véridique. Et ceci s'oppose au mensonge. Le serviteur doit prononcer, doit dire cette parole tout en étant véridique dans son cœur. Et cela signifie que la langue, que ce qu'on prononce doit correspondre au cœur, doit correspondre à ce qu'il y a dans le cœur comme tawhid. Et ceci, comme nous allons voir en détail dans le livre, c'est la condition qui manque aux hypocrites qui ont prononcé la parole de la ilaha illallah sans être véridiques. Ils ont menti dans leur attestation. Ceci, soit par profit ou par avantage, se trouvant chez les musulmans, ou autre cause. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. La cinquième condition, c'est l'amour. L'amour pour cette parole, pour la parole de la ilaha illallah et pour ce qu'elle indique. Et ceci s'oppose à la haine et à la détestation. Donc celui qui la prononce, qui prononce la ilaha illallah, doit aimer cette parole. Doit aimer Allah Azzawajal, doit aimer son messager, la religion de l'islam et les musulmans qui mettent en pratique la religion. Et également, il doit détester celui qui s'oppose à il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée que Allah Azzawajal. C'est-à-dire, il doit détester celui qui s'oppose à la ilaha illallah. La sixième condition de la ilaha illallah, c'est la soumission à Allah. C'est la soumission à Allah par les droits de cette parole, par les droits de cette attestation. Et quels sont les droits de cette attestation? Ce sont les actions vertueuses, ce sont les actes d'adoration, al-ibadat. Donc, celui qui prononce cette parole, il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah, se doit de se soumettre aux lois d'Allah, se doit de se soumettre à la législation d'Allah Azzawajal en mettant en pratique les ordres, c'est-à-dire les actes d'adoration. Et c'est par cela, par ces actes d'adoration, que le serviteur sera attaché à la ilaha illallah, à cette attestation. Donc la sixième condition, c'est la soumission à Allah par les droits de cette attestation. Et la septième condition, c'est l'acceptation qui s'oppose ou dont le contraire est le rejet. Cette parole, la ilaha illallah, doit être acceptée véritablement par le cœur ou dans le cœur et par la langue. Donc, comme dit précédemment, le titre du livre est Les conditions de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. Le mot condition dans le livre, quel est son sens? Quel est le sens du mot condition dans le titre? Le sens voulu ici, c'est ce qui est obligatoire à tout individu de connaître comme science et ce qui est obligatoire aussi de mettre en pratique comme acte afin que cet individu soit sur l'unicité, sur le tawhid. Extérieurement, c'est-à-dire en apparence, et intérieurement également. Donc, si une condition parmi les conditions que nous allons citer est absente, il n'y a alors ni foi ni unicité. Qu'Allah Azzawajal nous facilite de remplir et de mettre en pratique ces conditions convenablement. La première condition ici que le cheikh, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a citée, c'est la connaissance, la science de son sens, de la signification de la ilaha illallah en termes d'affirmation et de négation. Le cheikh ici, il dit la connaissance, la science de son sens en termes d'affirmation et de négation. Ici, là, on parle de la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée que Allah. La première moitié de cette parole, c'est-à-dire il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée, cette première moitié, elle comprend la négation et le rejet total de toute adoration à autre qu'Allah Azzawajal. Très important de savoir ça. C'est une négation générale. La ilaha, il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée. Ceci est une négation et un rejet total de toute adoration à autre qu'Allah. La deuxième moitié qui mérite d'être adorée, sauf Allah, si ce n'est qu'Allah. La deuxième moitié de ces paroles comprend une affirmation exclusive, une affirmation particulière de l'adoration à Allah seul, sans associé. Et comme Allah, le Très-Haut, n'a pas d'associé dans sa royauté, ni dans sa création, ni dans l'administration de l'univers, de tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, alors il n'a pas d'associé dans son adoration. Et ceci, la ilaha illallah, c'est ce avec lequel Allah a envoyé les prophètes et les messagers, et ce au sujet duquel leur prêche était unanime. Ils étaient unanimes sur le fait d'appeler leur communauté à adorer Allah seul et à rejeter tout ce qui était adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Allah le Très-Haut dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. La traduction du sens ici: Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité qui mérite l'adoration en dehors de moi. En dehors de moi, c'est-à-dire Allah. Ensuite, il dit, adorez-moi donc. Et les envoyés, Nuh, Hud et Salih, ont dit, Ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. La traduction ici, la traduction du sens, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité qui mérite l'adoration, sauf lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Fin du verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut, a dit, en informant au sujet de l'unanimité du prêche des prophètes et des messagers, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. La traduction du sens du verset ici, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghout. Fin du verset. Et parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ce verset, c'est que la sagesse de l'envoi des messagers, de tous les messagers, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est l'appel à l'unicité, l'appel au tawhid, l'appel à adorer Allah Azza wa Jal seul et à s'écarter et à rejeter toute divinité qui est adorée en dehors de lui, lui vouer un culte exclusif. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce verset, c'est que la religion des prophètes est unique et c'est de vouer une adoration sincère à Allah et de délaisser l'association à Allah. Et ceci, même si la législation des prophètes était différente. La base était la même. Le fondement principal était le même, et c'est le tawhid, le fait de vouer une adoration exclusive à Allah Azzawajal. Tous les prophètes et messagers ont appelé à ceci. C'est la base de leur message. Et Allah, le Très-Haut, a dit également au sujet du prophète Ibrahim, alayhi salatu wa salam, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. La traduction du sens ici est lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et Allah le Très-Haut a dit, en ce qu'il a ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre à cette communauté, il dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. La traduction du sens ici est ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et Allah dit dans un autre endroit du Coran, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. La traduction du sens, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ainsi, les versets que nous avons vus précédemment et ceux qui vont dans leur sens parmi les versets du noble Coran indiquent de manière explicite et claire que tous les messagers et prophètes ont appelé et prêché leur peuple à concrétiser, à connaître et mettre en pratique le sens de la ilaha illallah, qui est que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah seul. Et il y a en cela une réfutation claire à l'encontre du groupe ou de la secte Jama'at at-Tablir. Cette secte est appelée Jama'at at-Tablir, qui explique la shahada, qui explique la ilaha illallah par il n'y a de créateur qu'Allah. Ou bien ils disent aussi, nul ou personne ne pourvoit aux besoins si ce n'est Allah. Et d'autres explications de ce genre. Et ceci montre bien leur ignorance. Leur ignorance concernant la vraie signification, le vrai sens de la ilaha illallah, qui est nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah seul. Ainsi, leur explication erronée du sens de la ilaha illallah montre très clairement leur ignorance concernant le fondement et la base principale de la religion et montre qu'ils n'ont pas étudié ce fondement, qu'ils n'ont pas étudié ce fondement. Wallahu al-musta'an. Et quand on regarde à l'époque du prophète, à l'époque du messager d'Allah Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes affirmaient cela, affirmaient bien que il n'y avait de créateur qu'Allah, et que nul ne pourvoyait aux besoins si ce n'est Allah. Et malgré cela, cela ne les a pas fait entrer en islam, car ils savaient que pour entrer en islam, il fallait rejeter toute forme d'adoration à autre qu'Allah Azzawajal. Cela montre alors que les polythéistes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étaient plus savants que cette secte, que la secte Jama'at at-Tablir, concernant le sens de la ilaha illallah. La première preuve que le cheikh, hafidhahullah, la première preuve que le cheikh a citée dans son livre concernant le fait que la connaissance et le savoir de la signification de la ilaha illallah est une condition ou la preuve qu'il nous est obligatoire de connaître le sens de la ilaha illallah. Il a cité comme preuve la parole d'Allah Azzawajal dans son noble livre qui dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. La traduction du sens rapproché ici, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration à part Allah. Fin du verset. Donc ici, quel est le témoin argumentatif? C'est quoi qui nous indique que la connaissance du sens de la ilaha illallah est une obligation pour tout individu? La preuve ici, c'est que Allah Azzawajal a utilisé un verbe à l'impératif, qui montre donc l'obligation. Il dit à Allah Azzawajal, sache. Verbe à l'impératif du verbe savoir. Sache quoi? Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah seul. Et ceci est une preuve que le savoir et la connaissance de la ilaha illallah est une condition parmi ces conditions. Et cette science-là, frères et sœurs, il faut savoir qu'il est obligatoire pour elle, pour cette science, qu'il y a en elle la reconnaissance du cœur et sa connaissance. Ce n'est pas seulement des paroles que tu apprends ou des paroles que tu lis, mais il faut absolument qu'il y ait cette reconnaissance du cœur. Barakallahu fikoum. Et avant de citer quelques enseignements qu'on peut tirer de ce verset, on va lire aussi la fin du verset. Car là, on a lu juste le début du verset. Donc, on a dit la parole d'Allah Azzawajal, Fa'alam annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik, wa lil mu'minina wal mu'minat. La traduction du sens ici, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Fin du verset. Ce que ce verset indique comme enseignement, premièrement, et on l'a déjà dit, c'est l'obligation de connaître la signification de la ilaha illallah, et ceci en termes de négation générale, en termes de rejet total et général de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal. Et ceci est dans la parole la ilaha, dans la première moitié de l'attestation. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée. Un rejet total de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah comme divinité. La deuxième moitié, en termes d'affirmation exclusive. On affirme exclusivement à Allah Azzawajal toutes les adorations, à lui seul. Deuxièmement, deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce verset, ici c'est qu'il y a dans l'ordre, quand Allah Azzawajal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander pardon aux croyants et aux croyantes, et que cela englobe les désobéissants parmi les musulmans. Ici, on va citer une parole de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit: Et quiconque meurt parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire parmi les musulmans, en étant sur le tawhid, en étant sur l'unicité. Il continue, il dit, on prie sur lui, sur cette personne, sur ce musulman. On prie sur lui la prière mortuaire et on demande pardon pour lui. Et on ne s'empêche pas de demander pardon pour lui et on ne délaisse pas la prière mortuaire sur lui en raison d'un péché qu'il a commis. Qu'il soit grand, que ce soit un grand péché ou un petit péché. Et il finit et il dit, et son affaire revient à Allah le Très-Haut. Cette phrase-là, et son affaire revient à Allah le Très-Haut, c'est-à-dire que si Allah Azzawajal veut, il lui pardonne son péché. Et si Allah Azzawajal veut, il ne lui pardonne pas son péché. Mais dans tous les cas, sa fin, la fin de ce croyant, s'il meurt sur le tawhid, sera le paradis, incha'Allah ta'ala. Même s'il devait passer un moment en enfer afin d'être purifié. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le paradis et nous préserve du feu de l'enfer. On va conclure le cours pour aujourd'hui et reprendre à partir de demain, Inch'Allah Ta'ala, cette première condition ainsi que l'explication des autres preuves la concernant. Qu'Allah Azzawajal nous accorde une science profitable ainsi que des actions pieuses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk.